te dis que ta vie, c'est une caméra cachée. La personne qui filme. Bravo. Et tu vas pas te réveiller d'un mauvais rêve, non. Non, c'est juste la réalité. Alors je te l'accorde, elle est pas vraiment rose. Mais regarde cette fille, regarde cette fleur, ce papillon, ce nuage. Écoute cette odeur avec ton corps. Je sais, ça veut rien dire. Et alors? Alors tu as peur? Alors tu te caches derrière ta guitare et tu écris tes histoires de mecs un peu lâches qui finissent tous les soirs seuls et ivres et seuls. Avec leurs faux espoirs. Et là, ça veut dire quelque chose? Non, c'est pas grave. Oh, mais tu es trop sexy belle ce soir, dis-moi à moi, dis-le-moi. Ça te dirait d'aller voir ma collection de string après le concert? Ma collection de cordes de guitare, quoi. Don't you dare touch me! Stand back! Non, mais c'est pas grave. Let's go to the kitchen and have a drink of cola.